1, 2, 1, 2, 3, 4. Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Tous les mercredis, de 22h à 23h. Prune 92 FM. Nous sommes mercredi, il est 22h et vous connaissez le deal, c'est l'heure de Boum Boumo. Ce soir, une fois n'est pas coutume, nous avons le plaisir de recevoir l'ami Natositos derrière les platines pour une sélection tout en douceur et en mélancolie qui ravira, je le sais, vos oreilles autant qu'elle a ravi les nôtres. Alors installez-vous confortablement, fermez les yeux, ce soir sur Boum Boumo, c'est Saudade. Thank you. sur un banc, face au lèse. Elle lui dit. Just by the cider and dry food. Qu'on allait s'entrechoquer. Je ne chantais que des onomatopées pour faire américain, mais tu te moquais. Je me souviens. Je savais pas qu'on allait s'entrechoquer. Je ne chantais que des onomatopées pour faire américain, mais tu te moquais. Je me souviens. Thank you. parle encore.